Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à la semaine prochaine. Et s'il fallait repartir de zéro, reprendre un cahier vierge et tout réinventer? C'est l'appel audacieux de Lise Molin concernant la physique théorique, appel qui détaille dans son dernier livre « La révolution inachevée d'Einstein ». Selon lui, la mécanique quantique échoue à expliquer complètement la réalité. Au lieu de considérer qu'elle est incomplète et qu'il faut continuer à fouiller après près d'un siècle de surplace et d'impasse, il engage à revenir à la page blanche et à découvrir un autre système qui serait, lui, complet. Lise Molin n'en est pas à son coup d'essai. L'un des pères fondateurs de la gravitation quantique à boucle est un physicien iconoclaste et secoue une fois de plus le monde de la physique académique. Lise Molin est notre invitée spéciale pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Lise Molin, hello. Well, bonjour. That's some introductory bonjour. Music. Ah, j'aime beaucoup ce générique. Je peux faire un commentaire? Yes, mille merci d'avoir accepté notre invitation. Thank you so much. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans la méthode scientifique. Vous êtes avec nous via Skype depuis Toronto. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Périmeter. Votre livre, La révolution inachevée d'Einstein, au-delà du quantique, vient d'être publié en français chez Dunod. Il est traduit par Marc Lachiezeray. On vous retrouve dans 5 petites minutes, juste après le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude publiée dans PNAS. Pour la première fois, des molécules de sucre viennent d'être détectées dans des météorites. On sait depuis longtemps que les météorites contiennent des composés organiques, des acides aminés et des bases nucléiques. Mais dans le tableau de chasse des éléments clés du vivant, il manquait les sucres. Une équipe internationale a analysé au carbone 13 des échantillons de deux météorites échoués au Maroc et en Australie. La météorite Murchison et NWA-801. Ils ont découvert du ribose et d'autres sucres bioessentiels. Le ribose, c'est le cœur de la molécule d'ARN, une des formes dérivées de l'ADN. Cette preuve directe de la présence de ribose dans l'espace appuie l'hypothèse que les ingrédients du vivant ont une origine extraterrestre. Hervé Cotin est professeur de chimie et d'astrochimie à l'université Paris-Est-Créteil. Il travaille au LISA, le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Dans les météorites qu'on appelle des chondrites carbonées, qui sont en fait des météorites qu'on considère comme étant les plus primitives, parce que c'est de la matière qui a commencé à s'agréger en même temps que les planètes et tout le système solaire, mais qui est toujours resté sous forme d'objets de petite taille. Et donc, ils n'ont jamais vraiment chauffé. Ils se sont surtout pas différenciés, ce qui fait qu'en plus des métaux et des minéraux, on trouve aussi de la matière organique. Et là, on les trouve encore intacts. Et c'est vraiment intéressant parce que on a un peu accès à, alors pas la recette à proprement parler, mais les ingrédients qui étaient à disposition de la chimie qui a conduit à l'apparition de la vie sur la Terre. Et ces ingrédients, ils peuvent être formés dans l'atmosphère, mais ça, c'est sujet à beaucoup de débats. Il peut y avoir des choses qui se font au fond des océans, au niveau de sources hydrothermales. Les sources extraterrestres de molécules organiques, là, c'est moins sujet à aléas. Comment on peut être bien certain que ces traces de ribose ne sont pas terrestres? Alors pour ça, on a une arme contre cette contamination, c'est les rapports isotopiques. Et en fait, quand on analyse le rapport carbone 13 sur carbone 12 dans le vivant terrestre, on obtient une valeur qui sert de référence. Et quand on analyse du sol qui a été collecté à proximité de la région de la chute de la météorite de Murchison, on trouve du ribose, c'est normal, mais il a un delta C13 de moins 46. Et dans la météorite de Murchison, le ribose qu'on trouve a un delta C13 de plus 38. Il n'y a pas d'ambiguïté. On passe au bref. Selon une étude parue dans Cell Reports, la moitié d'un cerveau fonctionne parfaitement. Les neuroscientifiques du California Institute of Technology montrent comment le cerveau s'adapte après une hémisphérectomie. Ils ont observé à l'IRM le cas de 6 patients qui avaient subi cette opération et qui ne possèdent qu'un seul hémisphère. Les demi-cerveaux se réorganisent avec des connexions neuronales plus fortes que des cerveaux ordinaires. Les différentes régions responsables du traitement des informations sensorimétrices, de la vision, de l'attention et des signaux sociaux renforcent les connexions existantes et communiquent plus fréquemment les unes avec les autres. Cette étude prouve encore une fois la grande plasticité de cet organe. Selon une étude parue cette fois dans The Royal Society's Biology Letters, nous devons traiter la pollution sonore comme un polluant mondial majeur. Des chercheurs britanniques ont examiné une centaine d'études sur l'impact du bruit sur la faune. Ils ont découvert que pour toutes les espèces animales, amphibiens, arthropodes, oiseaux, poissons, mammifères, mollusques, reptiles, tous sont très sensibles au bruit. On sait que la pollution sonore affecte la santé humaine, mais ses conséquences sur la faune sont sous-estimées, précisent les auteurs. Elles perturbent la chasse, l'orientation et la communication des animaux. Ils appellent à réguler plus efficacement ce facteur de stress environnemental. Et selon une étude parue cette fois dans la revue Royal Society Open Science, si votre œil ne remarque rien dans un délai d'une seconde et demie, il risque de ne jamais rien remarquer. Et si vous ne remarquez pas tout de suite une chose inhabituelle qui surgit dans votre champ visuel, un clown à vélo sur la route par exemple, il vous faudra beaucoup de temps pour le repérer. C'est la conclusion de chercheurs américains. Selon eux, nous ne pouvons pas capter une quantité importante d'informations visuelles d'un seul coup. L'une des manières pour y remédier est de déployer une attention sélective. Merci Natacha Triou, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Nous avons donc le privilège d'être en connexion via Skype avec Lise Moline. Lise Moline, vous vouliez dire quelque chose à propos de la musique du générique? Oui, ça me rappelle quelque chose que disait Brian Eno. C'est quelque chose comme ce qu'on croit être une erreur, c'est souvent juste la conception de l'avenir. Ok, la musique c'est en fait un morceau que vous avez l'habitude d'entendre qui est issu d'un album de Monsieur Spock et qui s'appelle Music to Watch Space Girls Go By. Lise Moline, pour la parution donc en français de votre dernier livre, La révolution inachevée d'Einstein au-delà du quantique, c'est publié chez Dunod, traduit par Marc Lachiezeret. C'est un livre qui propose ni plus ni moins de tout remettre à plat et de repartir de la page blanche pour non pas compléter mais réinventer la mécanique quantique, pour sortir de cette impasse qui fait que depuis son énonciation il y a un siècle, personne n'arrive à unifier la physique et quantifier la gravitation. C'est effectivement un pari audacieux et d'ailleurs j'ai des amis qui ne sont pas très contents de cela. Mais je pense qu'on peut dire, et c'est juste de le dire, qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'approches à l'unification de la physique. Les gens veulent rapprocher, si vous voulez, la gravité quantique et la relativité générale. Et il y a un certain nombre de réponses mais qui sont des réponses partielles. Et si on se rappelle, Einstein, avec cette volonté morale forte de comprendre complètement et d'expliquer la nature, eh bien, on se dit que ça ne suffit pas. On a inventé, je dirais, 6, voire 12 manières de comprendre à mi-chemin la gravitation quantique. C'est ça la situation. Et moi, il se trouve que j'ai participé à une de ces aventures avec mes amis Abeille Astekar et Carlo Rovelli et Ted Kajelson. Et il y en a eu bien d'autres. Et actuellement, on travaille sur la gravitation quantique à boucle et j'en suis fière. On a expliqué des choses substantielles, des questions importantes quant au fonctionnement de tout cela. Mais nous avons aussi des failles dans notre théorie et nos amis aussi d'ailleurs. Et moi, ce que je veux éviter, c'est une situation où les gens travaillent sur des idées un peu différentes et qui commencent à se braquer comme des troupes, si vous voulez, qui défendraient le château dans cette espèce de guerre moyenâgeuse. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, le royaume, bien sûr, du ciel, il est ailleurs, dans l'autre direction. Comment ce livre a-t-il été reçu par vos collègues physiciens? Mon livre a pas fait grand bruit. Je pense que mon livre n'est pas très connu, donc ça n'a pas soulevé beaucoup de controverses, de confrontations, comme ça a pu être le cas pour d'autres livres. Et ça a été un certain soulagement, je dois dire. Je fuis le conflit, personnellement, je n'aime pas ça. J'ai des arguments, des points de vue assez solides, je pense, qui se défendent, et je préfère les écrire sur une page et lire aussi les arguments des autres. J'ai besoin de réfléchir à ces choses-là au calme. Je ne me laisse pas impressionner par les polémiques ou les points de vue divergents. Donc, le livre a été bien accueilli par la critique. L'éditeur me dit qu'il marche plutôt bien. Après, je ne pense pas que c'est la révolution que je fais là, hein, cette fois-ci avec ce livre. Mais enfin bon, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il faut commencer par faire la révolution soi-même. Il ne faut pas s'attendre à ce que les autres le fassent. Ce livre, il s'adresse à qui, Lismonine, exactement? Est-ce qu'il s'adresse au grand public, à la communauté des physiciens, à vos étudiants? À tous ces gens-là, à la fois, je dirais. Et c'est très important. Si vous voulez, ce livre, mon travail, c'est un travail qui contribue à la littérature. Je ne suis pas journaliste. Si vous voulez, à l'époque de Darwin, on appelait ça le courant de la philosophie naturelle, c'est-à-dire ce sont des scientifiques qui travaillent comme scientifiques, mais qui réfléchissent, qui se penchent sur des questions conceptuelles, philosophiques, et nous les rencontrons quand nous travaillons ces questions-là. Et vous voyez, des livres sur la théorie de l'évolution, les livres de Richard Dawkins, de Stephen Jay Gould, de Mangold, ce sont des livres où on réfléchit justement, où ces gens discutent, dialoguent entre eux en tant que professionnels, qu'experts, et nous, le public, puisqu'en l'occurrence, moi, je fais partie du public, hein, eh bien, on regarde ce que disent ces gens et ça nous fait réfléchir et moi... Vous savez, ce n'est pas comme écrire un travail professionnel hein, où on utilise beaucoup de jargon, de mots incompréhensibles. De toute façon, ça n'est pas bien d'employer ces termes. Ça invite à une sorte de pensée grossière, je dirais. Pas d'équation, il ne faut pas non plus écrire avec des mots compliqués, pas de vocabulaire spécialisé. Il faut utiliser des mots pour expliquer les choses. C'est plus compliqué à faire, mais ça invite à la clarté, bien sûr. C'est stimulant pour le public hein, et ça nous invite, nous aussi, les experts, à travailler. Et c'est ça, mon objectif. Ça n'est pas la première fois hein, que vous adoptez ce ton ou cette espèce de méthode de coup d'éclat. En 2007, vous écriviez « Rien ne va plus dans la physique, l'échec de la théorie des cordes ». C'est publié chez Dunod également. Dans le livre, on retrouve parfois un peu un ton, parfois un peu provocateur. C'est important pour vous de secouer le monde de la recherche théorique académique? C'était une histoire assez amusante, en tout cas de mon point de vue, parce que j'étais un petit peu naïf, hein, sans doute. Mais vous voyez, moi, mon contexte intellectuel, c'est le même que ceux de mes amis qui, eux, ont travaillé sur cette théorie des cordes. Hein. Nous avions le même fond. Et on a tous été dans un premier temps impressionnés par la théorie des cordes. Et puis après, ça s'est mal passé et ça ne s'était jamais passé comme ça pour une autre théorie, à savoir qu'il y a eu trop de versions. Elle était trop faible, en fait, la théorie, pour qu'on puisse avoir quelque chose de constant, de cohérent. Il y a eu trop de versions, des centaines, je dirais même des milliers de versions de cette théorie. Donc, elle ne pouvait pas être cohérente. Et on n'avait jamais vécu un tel effondrement d'une théorie dans l'histoire. Une théorie, donc, elle doit pouvoir décrire quelque chose. Il n'y a pas de prédiction, en principe, dans une théorie. Et mes amis, notamment Andy Strominger, m'a alerté sur ce sujet. Et j'ai réfléchi avec lui. Et c'est vrai que je vous l'ai dit, j'avais lu tous ces biologistes de la fin du 19e siècle. Et j'ai pensé à ce moment-là à une solution évolutionnaire. Où, si vous voulez, les lois de la nature évolueraient. Il faudrait imaginer une sorte de paysage des théories. Donc j'ai écrit des choses là-dessus. Et mes amis m'ont dit, mais non, ça c'est pas une bonne voie, ça sert à rien, il y aura une théorie unique. Et ils essayaient de prédire absolument tout, mais ça ne s'est pas fait, ils n'ont pas réussi à le faire. Et entre-temps, il y a des gens comme Lenny Susskind, qui était un théoricien, justement de la théorie des cordes, et qui, si vous voulez, m'a invité à écrire un livre sur la méthodologie, la sociologie de la science. Ce livre que j'ai écrit à ce moment-là, qui mettait en lien cette sociologie, cette méthodologie, n'était pas une critique de la théorie des cordes. Ça a été plutôt, si vous voulez, j'ai utilisé ça comme un cas qui montre ce qui se passe lorsqu'une théorie n'a plus la possibilité d'être vérifiée par l'expérience, ce qui était le cas. Et cette théorie, si vous voulez, elle avait, je l'ai dit, des faiblesses, mais que nous avions aussi dans notre théorie, celle sur laquelle je travaillais, à savoir la théorie sur la gravitation quantique. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, le livre, si vous voulez, ne s'intéressait pas à critiquer en tant que telle la théorie des cordes. C'était prendre ce cas pour faire une étude de cas. Et ce qui m'intéressait, moi, dans ce livre, c'était la diversité des approches. Vous savez, je pense qu'avant de décider ce que fait la nature, il faut promouvoir une grande diversité d'approches. Il faut laisser la place pour les jeunes, la jeune relève qui arrive, des gens brillants, qui font des études supérieures, des doctorats. Il faut qu'ils puissent choisir en disant, bah là, il y a la porte A, c'est la théorie des cordes. Là, c'est la porte B, ça va être une autre théorie, puis une troisième. Et ils ont le choix de prendre la voie qui les intéresse. Parce que si vous vous contentez d'emprunter les chemins battus et que vous suivez ce qui a été fait par les autres depuis 20, 40 ans, à ce moment-là, la science est condamnée à mourir. Et pour que la science reste vivante, il faut que les jeunes, scientifiques puissent vraiment se sentir libres. À chaque fois qu'ils se disent, il y a eu des erreurs de fait, eh bien moi, j'y vais, je cherche autre chose. Et c'est ça vraiment qui est important. Et ce que je disais dans ce livre, je ne voulais pas attaquer la théorie des cordes. C'était vraiment un appel que je lançais, dire mais il faut cesser de vouloir tout contrôler, de dire qu'on a un certain héritage scientifique, avec d'ailleurs ses failles et ses insuffisances. On peut dire, certes, ce que vous avez fait est magnifique, on a beaucoup appris, mais maintenant, ouvrons la porte pour les générations à venir. C'était ça le message du livre. Cet appel à la nouvelle génération, il va toujours avec un brin de provocation, hein, parce que quand on prend votre livre justement sur la fin, sur l'épilogue, deux petites choses. Déjà, il y a un épigraphe de cet épilogue qui est « La vérité est ailleurs », qui est le motto, le refrain de la série X-Files. Et puis, vous écrivez aussi « Einstein nous a enseigné que nous, les scientifiques, nous sommes des opportunistes prêts à enfreindre les règles et à plier la méthode scientifique à notre volonté de découvrir comment fonctionne la nature. » Tout ça, c'est toujours des petites aiguilles. C'est nécessaire justement pour l'ancienne génération, pour les pousser à laisser la place aux jeunes. C'est ça. Enfin, je voudrais insister sur deux choses. Tout d'abord, c'est que je parle à des professionnels. Il y a beaucoup d'amateurs qui donnent leur avis sur un tas de choses, mais qui n'ont pas d'études universitaires, encore moins de doctorat en physique. C'est des gens qui ne savent pas mener des recherches. Et ces gens-là, enfin, je suis désolée de le dire, mais ils ont aucun espoir de révolutionner la physique. C'est moi, si j'écris une symphonie, je veux la faire jouer à l'Orchestre symphonique de Paris ou de New York, j'ai aucune chance que ce soit joué non plus. Et moi, ceux à qui je parle, ce sont des gens qui sont des scientifiques formés, qui ont fait des études universitaires et qui doivent avoir la liberté de réfléchir. Et depuis que j'ai écrit ce livre, je peux dire qu'en fait, ça, c'est une remarque qui s'applique à tous les champs de recherche, que ce soit, par exemple, la recherche contre le cancer ou la biologie. Et bien sûr, il faut tenir compte de l'héritage que l'on a reçu, mais il faut que les jeunes scientifiques aient cette liberté de développer leur champ de recherche et ne pas travailler exclusivement sur ce qu'ils ont reçu en héritage de leurs aînés. Et ça, c'est le grand danger, je dirais, actuellement dans tous les domaines scientifiques. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Lys Moline est notre invitée tout au long de cette heure, depuis chez lui en liaison internet jusqu'à Toronto. Lys Moline, alors on va reparler un peu de votre parcours scientifique et professionnel. Dès le début de vos études, vous faites votre doctorat à Harvard et vous étudiez immédiatement votre thèse sur la gravitation quantique. Qu'est-ce qui vous conduit tout de suite dans ces domaines de recherche ? Ça s'est passé dans l'autre sens, en fait. J'ai eu beaucoup de chance, figurez-vous. En fait, j'ai choisi la physique parce qu'il y a eu une soirée, j'avais 17 ans. J'étudiais l'architecture, en fait, à ce moment-là. Et ce qui m'intéressait, c'était, en fait, les surfaces courbes dans l'architecture de certains bâtiments anciens. Et donc, j'avais étudié tout le côté mathématique de ces surfaces courbes. Et je me disais, comment est-ce que je pourrais appliquer ces surfaces courbes à d'autres bâtiments contemporains? Et donc, j'ai travaillé donc sur toutes les équations, les mathématiques liées à ces surfaces courbes. Et je me suis rendu compte que la relativité générale reposait sur les mêmes bases mathématiques. Et donc, je suis tombée à ce moment-là sur les notes bibliographiques d'Einstein. Bon, il se trouve que ce soir-là, il y avait une amie qui m'avait posé un lapin. Alors, c'était le drame, j'avais 17 ans. Donc, je suis restée tout seule et je me suis plongée dans ses essais autobiographique, et j'ai lu ce qu'il y disait, à savoir qu'il avait besoin, en fait, de transcender la laideur de la vie humaine en essayant de converser avec la beauté des mathématiques ou la beauté mathématique de la nature. Et ça, vraiment, ça m'a parlé. À ce moment-là, j'étais un ado en pleine rébellion, comme il se doit. Et donc, ça m'a parlé. Et à ce moment-là, j'étais littéralement en échec scolaire. J'avais jamais étudié la physique. Et bon, je me suis dit, bon, je vais peut-être m'orienter vers l'architecture. J'en étais là. Et ce soir-là, tout à coup, je me suis dit qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était de la physique. Je savais pas si j'allais réussir à quoi que ce soit, mais je me suis dit, je peux essayer. J'ai peut-être quelque chose à apporter. Et puis, après ça, bon, donc, c'est Einstein qui a inspiré mes recherches. Il a dit, je crois en 1952, dans un de ses essais, quelques années avant sa mort, il a dit, disais-je, qu'il y avait deux questions qu'il regrettait de ne pas avoir résolues de son vivant ou vues résolues de son vivant. C'était la mécanique quantique, même s'il en a été le père de la mécanique quantique. Il n'était pas d'accord avec la forme dans laquelle elle avait été codifiée par Heisenberg et Bohr. Et deuxième chose, il voulait trouver le lien entre la physique quantique et la gravitation en relativité. Et je me suis dit, bon, allez, ça, c'est ce que je vais faire. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis commencé à me renseigner. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on fait pour faire des études supérieures en physique? Nous sommes donc à la fin des années 70. C'est le plein boom de la théorie des cordes, hein, qui va tenir le haut du pavé des théories sur la quantification de la gravité. À partir de quel moment vous ne vous retrouvez plus dans cette théorie? À partir de quel moment est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne là-dedans? Alors, donc j'ai eu mon doctorat à la fin des années 70 en appliquant certaines techniques, en fait, de la physique des particules pour quantifier la gravitation. Et toutes ces techniques insistaient sur une idée, à savoir que les forces quantiques, parfois, peuvent être exprimées en termes de cordes de force, un petit peu comme les flux magnétiques peuvent s'exprimer également sous la forme de lignes de force magnétique, et qu'on pouvait donc les quantifier de la même manière. C'est puis comment est maintenue la liaison entre les quarks afin de constituer les protons, les neutrons, enfin voilà. Donc j'ai appliqué ces techniques-là à ce moment-là. Il faut, à ce moment-là, la théorie des cordes a 20 ans, et à ce moment-là, en 84, il y a eu un saut extrêmement important, puisqu'on comprend qu'on pourrait peut-être éventuellement inclure la force gravitationnelle. Et je me dis à ce moment-là, mais j'ai tous ces outils, je vais essayer de les appliquer à la théorie des cordes. Et mon objectif à ce moment-là, c'est que, si vous voulez, dans le principe de la relativité, on a quelque chose qui s'appelle la background independence, ou indépendance de fond, à savoir que le monde ne vit pas dans un état fixe, qui est fixé pour tout l'espace, tout le temps, comme a pu le penser, mais qu'il y a une géométrie de l'espace qui a un degré dynamique de liberté, une espèce de chaos qui va changer et se propager selon les lois naturelles. Et on s'est dit, il faut que la théorie des cordes obéisse à ce moment-là, à ce principe, en tout cas si elle doit être correcte. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là, à appliquer cet outil, cette propriété donc que j'avais emprunté à la physique des particules, à la théorie des cordes. Je voulais qu'elle ait donc cette propriété qu'on appelle la background independence. J'ai travaillé beaucoup avec Louis Crane, qui était mathématicien, et puis après est arrivé la théorie de Abba et Achtekar, qui, si vous voulez, a pris la relativité générale et il a fait que sa dynamique ressemblait désormais à celle des champs. Et après, j'ai réappliqué les outils que j'avais donc empruntés à la physique des particules, les ai appliqués et j'ai mis au point, si vous voulez, une espèce de petite version un petit peu infantile où la background independence était applicable à la théorie des cordes. Bref, la manière dont cette idée de boucle s'est développée ou de cordes s'est développée, c'est un peu bizarre pour moi parce que il y a eu cette espèce de conflit alors que moi, la manière dont j'ai participé à toute cette aventure, c'était uniquement pour trouver la manière d'exprimer les idées de la théorie des cordes qui soient plus compatibles avec la relativité générale. C'était simplement une manière un petit peu différente d'expliquer après tout les mêmes principes et les mêmes idées. Et c'était ça mon intention depuis le début. Tout ceci pour vous dire que cette espèce de guerre de chapelle ou de dispute entre les partisans de la corde ou de la boucle, ça n'intéresse pas beaucoup ce conflit-là, ça n'a pas de sens pour moi. Il y a une rencontre qui va être très importante pour vous, Lise Moline, en 1986 à Santa Barbara avec quelqu'un, un physicien que les auditeurs de la méthode scientifique connaissent bien, Carlo Rovelli. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre et comment vous décidez de commencer à travailler ensemble à ce qui va devenir la gravitation quantique à boucle? Well, sure, and Carlo. Bien sûr. Is my long-lasting dear friend. Carlo est un très vieil ami, un ami très cher. On est devenus amis. Le jour même, on s'est rencontrés. Et après, d'autres nous ont rejoints. Après, il y a Abai Achtekar, mais qui lui aussi, je pense, est tout autant que nous le père de la gravitation quantique à boucle. Hein. Et peut-être que vous ou les lecteurs savent ce que c'est d'avoir une amitié dans le travail, c'est-à-dire une relation qui est une amitié profonde avec des gens avec qui on travaille. Et voilà, on passe un moment ensemble, on parle de nos vies, de nos histoires de cœur, de nos voyages, de tout un tas de choses. Et puis, on parle aussi un petit peu de ce travail, et c'est ce qui a été le cas avec Carlo. On a partagé beaucoup. Et bon, pour vous dire que pendant très longtemps, j'ai vraiment été très marqué par l'intelligence, par la beauté de la conception. Enfin, je trouve pas les mots. Je vais vous dire, il a une élégance de pensée, Carlo. Il a un sens de la beauté des choses qu'il observe. Et il a un talent incroyable en tant que scientifique aussi. Une espèce également d'obstination intellectuelle et de rigueur qui force l'admiration. Et il n'était pas connu du public avant d'écrire tous ses livres. Et aujourd'hui, je suis vraiment à la fois heureux et fier qu'il soit connu désormais avec ces très beaux livres qu'il a écrits. Alors, je n'ai pas du tout répondu à votre question, mais ce n'est pas grave. Nous, on dit ça vraiment, j'ai un petit peu jeté des fleurs à Carlo. Enfin bon, toujours est-il qu'il est venu à Santa Barbara et il arrivait au bout d'un atelier de 6 mois auquel j'avais participé avec quelques personnes. On était sous la direction de Achtekar et on travaillait sur la théorie qui s'appelait pas encore la gravitation quantique à boucle. Hein. Et Carlo est arrivé et le dernier jour, donc on a passé 2-3 heures ensemble. On est allé marcher sur la plage ensemble, je me souviens. Et d'emblée, Ça a été une très belle rencontre. On a eu beaucoup de choses à se dire au plan scientifique. C'est vraiment une rencontre à part. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, on avait des gros problèmes de cœur, tous les deux à ce moment-là. Donc, on a aussi parlé de ça. On a partagé cela et on a commencé à être amis. Il est revenu me voir quelques mois plus tard, quand j'étais à Yale. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble sur la gravitation quantique. Et puis plus tard, et c'est quelque chose de très important, son père, qui malheureusement est décédé très récemment, son père m'a proposé d'occuper un appartement qui appartenait à la famille à Vérone, de sorte que j'ai pu passer 6 ou 7 étés d'affilée à Vérone. Je vivais dans leur appartement et je travaillais avec Carlo. Et ça, bien sûr, ça nous a permis de travailler. Hein. Et puis ça a changé ma vie aussi. Comment est né justement ce concept? Comment est-ce que vous avez travaillé avec Carlo Rovelli? Comment est-ce que vous avez construit l'un et l'autre cette théorie de la gravitation quantique à boucle? Quelles sont les graines en fait que vous avez plantées ensemble? En fait, intellectuellement, je dirais qu'il y avait trois apports importants. Le premier a été introduit par Ashtekar quand il a reformulé la relativité générale, de sorte que sa dynamique ressemblait désormais beaucoup à celle de la physique des particules. Ça s'appelle d'ailleurs entre-temps la formule d'Ashtekar. Donc c'était un apport extrêmement important, une vraie innovation. Ensuite, il y a eu moi, ma contribution, qui probablement était la moins originale des trois, puisque j'ai apporté donc cette espèce de boîte à outils, cette manière de concevoir les champs en physique de particules, qui se conçoivent donc comme des boucles de flux électriques. Et donc ça a été un apport des innovations qui étaient dues notamment à Sacha Polyakov, à Ken Wilson, à d'autres gens en Europe, en Russie. Et ça, quand j'ai entendu parler de ça, la première fois, ma dernière année de licence, d'ailleurs, Sacha Polyakov est devenu un séminaire, et ça a complètement bouleversé ma façon de voir. Donc j'ai moi donné cet apport-là, en disant on va l'appliquer à la théorie des cordes, et ceci combiné avec la formule d'Ashtekar. Et puis après, il y a eu Carlo. Carlo qui a apporté, si vous voulez, un regard théorique sur la théorie quantique cette fois-ci, quelque chose de plus souple. Il avait fait un stage avec Chris Eichen. C'est là qu'il avait eu cet autre regard. Donc il y a ces trois éléments qui se sont fusionnés, qui ont convergé. Puis un quatrième aussi, qui a été introduit par Roger Penrose, qui était toujours dans la coulisse, en fait, tout ce temps-là. À savoir que la physique est essentiellement asymétrique. Lui, il voit l'espace et le temps, la physique, qui fait que, si vous voulez, ce que vous voyez dans un miroir n'est pas l'équivalent de ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la théorie des twisters. Et ces fondements a servi à l'élaboration de notre théorie à nous. Donc ça a été une très belle chose. Et vous voyez, je pense à Picasso, à Braque, je ne sais pas lequel des deux l'a dû, mais il y en a un qui a dit travailler ensemble, en collaboration, c'est comme être dans une même cordée en montagne. Alors, je ne fais pas de montagne, mais je trouve que c'est très juste. Ça a été magnifique d'être ensemble. On a eu très peur aussi. On a finalement eu des résultats qui avaient l'air d'être corrects et qui se sont avérés corrects, qui n'auraient pas été imaginables auparavant. Enfin, c'était fabuleux. Et elle a inspiré cette théorie des centaines de personnes depuis lors dans notre communauté scientifique qui ont travaillé à partir de cette théorie. From the seas across the coastal plains, and see the mist roll over the hilltops in the Peak District. gaze at the stars in the heavens. I'll just wander for days that no one will know, we'll just explore life's mysteries. Our world awaits outside. There's so many different places to be, and there is such a lot to see and do in such a short space of time. Across the mountains and through the Himalayas to a rainforest, bathe in the warmth of the volcanic springs whilst it's still snowing. Sail across the seas and far, far away to a remote island. Such a short space of time. And now don't be late. There's endless possibilities through a spiraling galaxy. When I just had a deja vu, and I hope it's still into your eyes again. Cause there's nothing. Floyd Henry, Short Space of Time sur France Culture, puisque c'est d'espace-temps qu'il est question avec notre grand invité aujourd'hui, Lys Moline, qui est avec nous par liaison internet depuis Toronto, au Canada. Lys Moline, on parle de l'histoire depuis tout à l'heure de cette gravitation quantique à boucle, qui est la théorie que vous avez formulée avec Carlo Rovelli. Mais peut-être pourriez-vous, avec vos mots, simplement pour nos auditeurs, nous rappeler exactement ce qu'est cette gravitation quantique à boucle et pourquoi elle est selon vous nettement supérieure à l'autre grande théorie de quantification de la gravité qui est la théorie des cordes. L'idée de base de la gravitation quantique à boucle, c'est une idée conservatrice. On prend la relativité générale telle qu'elle a été posée par Einstein, mais ensuite reformulée magnifiquement par HDK en termes de variables qui s'apparentent aux forces et aux éléments physiques des particules. Et après, on applique à cela, à cette description de la gravité, une hypothèse, si vous voulez, que les gens ont étudié dans le contexte de la physique des particules, à savoir que si vous ajoutez la mécanique quantique à, par exemple, au champ magnétique électrique, eh bien, le flux électrique peut être quantifié. On peut arriver à une phase de l'antispace ou de la théorie où le flux électrique est quantifié. Ça, c'est analogue, mais c'est différent en même temps de ce qu'on observe avec le superconducteur. Cette expression sous la forme d'une phase où le flux électrique est quantifié, on obtient une description de la gravitation quantique et de cette géométrie de l'espace et du temps correspondante. Et grâce à la formule d'HDK, on voit que le flux électrique correspond à l'air. Donc, il a fallu quasiment 2-3 ans pour qu'on se rende compte, Carlo et moi, à quel point cette théorie était en fait générale. Mais en tout cas, on dit que si une théorie décrit un espace bidimensionnel, eh bien, il y a un caractère discret qui est observé des atomes de cette surface. C'est ce qu'on appelle la quantisation du caractère discret de la géométrie quantique. Beaucoup de gens ont fait des spéculations sur ce sujet en disant que si on ajoute la mécanique quantique à la théorie de la relativité générale, eh bien, à ce moment-là, on observerait le même caractère discret sur des tout petits atomes également, à très petit niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une prédiction. Ce que nous avons observé, c'est un résultat. De même que l'observation de l'atome donne un résultat et non pas une prédiction. Ça a donc été la première découverte qui a été faite, cette possibilité de quantification des aires. Et puis après, il y a des résultats sur la dynamique. Il faut que vous imaginez tous ces petits atomes dans l'espace, tout petits, petits, donc on ne les perçoit pas, bien sûr. On perçoit un espace continu, simplement. Vous voyez, l'atome, on ne le perçoit pas, on perçoit l'air, on perçoit l'eau, par exemple. Mais quand on se rapproche suffisamment, et il y a les moyens de le faire, qui sont en cours de développement d'ailleurs, à ce moment-là, on va avoir la preuve de cette fameuse structure discrète. Des années, bien sûr, pour affiner tout ceci. Il y a eu beaucoup d'approches différentes. C'est un champ de recherche très vivant, très actif. Et je suis vraiment très heureux de continuer à participer à cette aventure. Mais voilà où on en est actuellement. Il y a des atomes de géométrie et on peut les calculer. Vous venez de dire qu'il y avait des voies ou des chemins, en tout cas, pour voir, pour observer cet état discret de l'espace-temps, quel serait-il ? Il faut vous imaginer un appareil photo avec une exposition à 10 milliards d'années-lumière, et vous avez deux photons qui partent. Un photon à basse énergie et un autre qui va être un photon avec une masse, disons, d'un atome d'uranium élevé. Alors, vous avez des photons. En principe, selon la théorie classique, ces photons vont voyager et devraient arriver sur Terre au même moment. Mais si l'espace a cette forme atomique, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une dispersion, c'est-à-dire une interférence pendant le voyage de ces deux photons, interférence avec la structure atomique de l'espace. Et donc, même avec 10 milliards d'années, on observerait une petite différence dans leur moment où dans le moment où ils arrivent sur Terre. Mais elle est observable. Et on verrait à ce moment-là, on pourrait essayer de détecter cette structure à travers l'effet sur la propagation des photons. Ce sont des expériences qui ont été faites avec des satellites, notamment un satellite en particulier. Il est important de dire que ils auraient pu voir vraiment une petite version même très simple de cet événement que je viens de vous décrire, or ils ne l'ont pas vu. Tout ceci pour vous dire que cette manière de détecter cette structure atomique de l'espace-temps n'a pas encore été vérifiée. Il faut bien le dire, c'est important, mais il y a des versions plus subtiles de cette même idée qui sont encore ouvertes à la réflexion. Il y a quelque chose que vous décrivez dans ce livre, La révolution inachevée d'Einstein, qui vient d'être traduit, je le disais, chez Dunod, qui est intéressant parce que vous posez la question de dire aujourd'hui, on sait que la mécanique quantique, c'est effectivement complexe, que elle a été émise il y a un siècle, un peu quasiment maintenant, et que depuis un siècle, la physique théorique bloque sur cette question d'unification des forces et de quantification de la gravité. Et vous dites dans ce livre, aujourd'hui, si nous piétinons sur des questions comme la gravité quantique ou l'unification des interactions, c'est parce qu'à la base, nous avons une théorie erronée. Ça veut dire, Lise Molline, que la mécanique quantique est une théorie erronée ? Je dirais surtout qu'elle est incomplète. Et là, je suis Einstein, qui disait qu'il fallait avoir une nouvelle théorie quantique qui puisse incorporer la dualité des particules notamment. Après, Schrödinger a posé l'équation de cela, et puis il y a d'autres gens aussi qui sont tous arrivés à la conclusion que les énigmes du paradoxe quantique, dont le public a entendu bien sûr, hein, notamment le paradoxe de Schrödinger, eh bien, toutes ces énigmes aujourd'hui sont surtout le signe que la théorie est incomplète et non pas des limites de nos capacités de compréhension et qu'elle requiert probablement une description plus détaillée des choses telles qu'elles se produisent. Donc c'est un nouveau point de vue et je pense que c'est le seul point de vue qui a du sens selon moi. C'est la seule façon de voir les choses. Et donc je pense que la meilleure façon, si vous voulez, de réunir la physique quantique et la théorie de la gravitation, c'est de développer cette nouvelle physique quantique. C'est celle-ci qui permettra l'unification. Et c'est deux questions qui m'ont toujours tenu à cœur toute ma vie. J'ai essayé de œuvrer à cette unification. J'ai des idées, j'essaie de développer. Quel type d'idées, justement, vous évoquez ? Ce sont des idées qui renvoient au fait de reprendre les principes de la théorie de la relativité générale et ensuite les amener dans le champ quantique. Donc en fait, il ne s'agit pas vraiment de quantifier la gravitation, il s'agirait plutôt de graviter les quantas, si je puis dire. C'était essayer d'aller plus au fond des choses pour comprendre les informations supplémentaires qui nous manquent en physique quantique, compléter cette description pour comprendre les degrés d'interaction mieux et qui pourraient s'intégrer à ce moment-là à la théorie de la gravitation. Vous opposez dans votre livre, et c'est assez passionnant, je dois dire, Lismolin, deux camps. Hein, le camp des réalistes, duquel vous vous revendiquez dans la lignée d'Einstein, et le camp des anti-réalistes, les anti-réalistes dans la lignée de Bohr notamment, ou des théoriciens de la mécanique quantique. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, les chemins de recherche sont du côté du réalisme en physique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette dualité entre réaliste et anti-réaliste? Il devrait y avoir davantage de réalistes, je pense. Si vous voulez, il y a des gens qui voient la science comme quelque chose d'instrumental, je dirais, c'est-à-dire des outils qui nous aident à interagir avec la nature. Et puis il y a d'autres gens qui s'appellent les réalistes et qui voient, si vous voulez, la science comme tenue de donner une description exacte de la nature en notre absence. Une description complète de ce qui se fait dans le monde naturel, comme si nous étions absents. Absents par nos interventions, par notre présence, par notre connaissance, par tout cela. Donc ce sont des points de vue qui sont irréconciliables et qui s'affrontent. Si vous êtes réaliste, bien sûr, vous n'êtes pas, si vous voulez, content de la manière de voir des instrumentalistes qui disent « moi, je veux simplement avoir un outil qui me permet de faire des expériences, mais je n'ai pas forcément besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces expériences. » Et la physique quantique, c'est pas le sujet, c'est pas les atomes, la nature. Les gens qui sont anti-réalistes ont dit ce qui est important, c'est comment on en parle ensemble, quelle est notre posture, comment résulte l'interaction entre nous et avec la nature. Donc, ce sont des points de vue très différents. Et Bohr, Einstein sont, si vous voulez, de cet avis. Ils ont dit, il faut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe maintenant. Vous dites aussi aujourd'hui, et c'est aussi quelque chose d'assez passionnant dans ce livre, que la position de défricheur est rendue très complexe, voire quasi impossible à cause des parcours académiques et universitaires. Vous dites essayer d'inventer une nouvelle physique est préjudiciable pour une carrière. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut plus penser en dehors du cadre quand on est enfermé dans une carrière académique. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Peut-être que je n'ai pas dit les choses suffisamment clairement. Je veux dire que Si ce que l'on veut, c'est ménager sa carrière, si c'est ce qui compte le plus, hein, évidemment, il est difficile de travailler, bien sûr, dans le secteur scientifique, parce que si on veut vraiment aller de l'avant en science, parfois, c'est au risque de perdre sa carrière. Bon, si on a le tempérament, le caractère qui fait que on n'est pas préoccupé par la carrière et qu'on a cet esprit de curiosité, de découverte et qu'on n'est pas effrayé de perdre la stabilité d'une carrière, on est probablement équipé à ce moment-là pour prendre le risque créatif, hein, d'essayer d'aller de l'avant, de faire des découvertes. Hein. Et pour ces gens-là, d'ailleurs, ces gens-là, et j'en fais partie d'ailleurs, hein, vous savez, souvent, l'un rejoint l'autre. Par exemple, il faut aller de l'avant. Si des gens vous disent « Aïe, mais tu devrais faire attention, nous, on va vous donner une ligne de recherche, mais simplement, si vous continuez à faire ce que vous faisiez il y a 10 ans, bah, franchement, moi, si on me disait ça et qu'on me proposait de l'argent pour continuer à faire ce que je faisais il y a 10 ans, mais j'aurais honte, hein. Franchement, ça serait tellement ennuyeux, en plus. Je sais déjà ce que j'ai fait il y a 10 ans, hein. Donc, il faut avoir, si vous voulez, une détermination assez forte. C'est compliqué, en fait, parce qu'il faut être fiable, il faut être confiant dans ses idées, dans ses intuitions, même si on sait qu'on est en train de prendre un risque, et qui dit risque dit qu'on va sans doute se perdre en route et qu'on a probablement tort. Dans le même temps, il faut être traditionnaliste, tout ça à la fois, parce qu'on travaille dans un domaine où il y a eu des centaines d'années d'évolution, où on a développé des outils fabuleux, des outils de calcul, par exemple, des outils expérimentaux et conceptuels. Et si on arrive à concevoir une certaine pensée, c'est justement parce qu'on a, nous, tous ces outils qui ont été transmis par la tradition. Donc, il faut respecter la tradition tout en étant parfaitement convaincu qu'on peut aussi aller explorer des champs que les professeurs n'auraient jamais imaginés. Donc, c'est vrai d'ailleurs dans d'autres disciplines artistiques notamment, où il faut à la fois être conservateur et respecter le passé, tout en étant rebelle, obstiné, voire arrogant à l'occasion. Ces gens-là, les gens qui ont tout cela à la fois, ce sont des gens qui s'en sortent très bien, à la fois au niveau de leur carrière et en ce sens qu'ils vont contribuer aussi au savoir. Vous encouragez, Lise Moline, à la fin de votre livre, les étudiants, les chercheurs, les physiciens théoriciens à repartir de la page blanche, c'est-à-dire vraiment à partir d'un carnet vierge et à penser la physique, penser cette problématique de l'unification des interactions et de la quantification de la gravité à partir de rien. Vous dites, plutôt que de suivre un sentier qui monte sur la colline, il faut mieux descendre dans le marécage et se perdre. Mais à partir de là, comment, par où commencer? Ça veut dire qu'il faut juste attendre un esprit génial? Il n'y a pas un point de départ du tout à cette recherche d'une nouvelle physique? Je dirais que lorsque je me trouve moi-même, où je me mets dans cette situation, d'ailleurs, on m'a conseillé de faire les choses comme ça, hein, et ben, je dois vous dire que la plupart du temps, mes idées, mes meilleures idées sont arrivées de différentes manières. Par exemple, vous voyez, il y a Steve Weinberg, le prix Nobel, hein, qui m'a dit, quand j'ai eu mon doctorat, il est venu me voir, il m'a dit, je vais te donner un conseil. Et bien, chaque année, prends quelques semaines pour réfléchir à l'interaction électrofaible des forces observées en physique des particules. Et il m'a dit, tu sais, moi, ça m'a été très bénéfique. Et donc, j'ai suivi son conseil, j'ai pris chaque année une semaine ou deux pour réfléchir à l'interaction électrofaible. Et une fois, ce faisant, là, au cours de cette réflexion, je suis tombée sur l'idée de la sélection naturelle cosmologique, qui renvoie donc à toute la théorie de l'évolution dont on nous a parlé tout à l'heure. Donc, il n'y a rien de plus effrayant que, effectivement, que la page blanche, c'est vrai, qu'on soit romancier, qu'on soit compositeur, peintre et physicien. Hein. Mais nous sommes là non pas pour faire étalage de notre virtuosité. Nous, nous sommes là pour nous mettre dans la situation la plus inconfortable possible, au plan créatif, intellectuel, pour pouvoir, si vous voulez, dire voilà ma responsabilité, c'est de reprendre à mon compte le manque de clarté dans le domaine scientifique dans lequel je travaille. Et c'était l'esprit d'Einstein, je pense. Il était relativement bon en calcul, c'était un mathématicien correct, pas un grand mathématicien, mais ce qu'il avait, lui, c'était ce désir moral très profond, cette aspiration de vraiment comprendre clairement la nature. Et c'est des choses qu'on retrouve au fil de ses écrits, depuis le début jusqu'à la fin, des questions qui se posent à chaque fois. Il dit « Je veux en savoir plus sur le monde. Je veux que le monde soit cohérent et ait un sens. » Et c'est cette exigence qui l'a amené à faire des découvertes tellement importantes que les autres n'ont pas faites. Pour finir, Lise Moline, quelqu'un que vous connaissez bien a une question à vous poser. Très cher Lise, toi et moi, nous avons travaillé il y a longtemps ensemble et nous avons écrit ce que je considère mes meilleurs travaux physiques. Et depuis lors, tu as exploré et présenté toutes sortes d'idées. Ma question est, comment tu vois aujourd'hui nos travaux d'il y a plus que 25 ans maintenant et leur possible héritage? Merci Carlo, puisqu'il s'agit de Carlo Rovelli. Mais je le dis quand même, les choses que nous avons découvertes sont un apport à la physique fondamentale. Je pense que les résultats qui ont été les nôtres, je dirais, se corroborent totalement avec d'autres calculs, et ils sont sensés, ils sont cohérents pour moi, parce que ils se recoupent complètement avec tout ce qui concerne les boucles, les flux. Tout ceci est cohérent pour moi. C'est vraiment une idée assez puissante, je pense, qui a donné lieu à des résultats vraiment définitifs. Et je suis pas en train de faire la publicité de ce que nous avons fait. Je dis que ça a été soutenu, étayé par la suite, par les calculs qui ont pu être faits sur les horizons cosmologiques ou les horizons des trous noirs, et qui se corroborent complètement avec ce que nous avons fait. Ça recoupe complètement les calculs approximatifs, par exemple, de Jake Bekenstein ou de Stephen Hawking. Et donc, je suis fier de ces résultats. Je suis content d'avoir pu participer d'ailleurs à toutes les aventures scientifiques auxquelles j'ai participé en physique. Et je nourris certains espoirs par rapport à ce que nous avons trouvé ensemble. Ce qui ne veut pas dire pour l'autant que je vais dire que la boucle explique absolument tout. Je trouve que quand il y a plusieurs approches, il faut qu'elles marchent côte à côte, mais c'est quand même, à mon avis, l'explication qui a le plus de chances de rendre compte de ce qui se passe vraiment dans la nature. Mais il y a aussi des choses qui manquent. Et je me sens responsable, bien sûr, de vouloir les comprendre. J'y réfléchis énormément, j'essaie de les expliquer. Merci beaucoup, Lise Moline. Je rappelle que votre livre, La révolution inachevée d'Einstein au-delà du quantique, est publié en français d'Uno, traduit par Marc Lachaiseret. Votre traduction, en l'occurrence, a été assurée par Hélène Joguet. Merci beaucoup, Hélène Joguet. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Nagat-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dande, Dalil Yaha et Élise Leu à la technique. Demain, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question de nombreux sujets, parmi lesquels la personnalité des insectes, les fermes robotisées, ainsi que l'utilité discutable de la chirurgie coronarienne. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.